Maintenant, on peut avancer ce soir, n'est-ce pas? Prenez votre Bible, vous notez les versets, les passages-ci avant qu'il ne parle. Notez Éphésiens 3. Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3. Vous avez noté. Matthieu chapitre 4. Éphésiens chapitre 3. Matthieu chapitre 4. Actes chapitre 8 et Actes chapitre 14. Bon, tel que c'est positionné comme ça, vous qui êtes là-bas, vous voyez. Là-bas, vous voyez. Si vous inclinez, vous allez voir. Vous ici, vous voyez totalement. Donc, c'est mieux de mettre au milieu. Donc. Oui, frère, tu voulais dire quoi? Oui, frère. Bonsoir, bon frère. Bonsoir. C'est vrai que j'ai déjà donné le témoignage de ma délivrance ici. Bon, en fait, ce que je voulais donner, c'est. Qui était là pendant qu'il donnait le témoignage de la délivrance ici? Oui, j'étais là. Ici, là. Il y avait deux personnes ce jour-là. Bon. Ok, oui. Bon, en fait, frère, je voulais témoigner juste en rendant aussi encore grâce au Seigneur. Depuis, avant même que ma délivrance ne se passe par la grâce du Seigneur, j'étais l'une des personnes qui ouvrait la Bible et puis je me mettais à bâiller. Je ne parvenais pas à lire véritablement la parole. Donc, et depuis que le Seigneur a opéré cette délivrance-là, bien aimé, je vous assure, quand je prends ma Bible pour lire, c'est un mystère que le Seigneur opère vraiment. Amen. Donc, et je lui rends vraiment grâce pour cela. Donc, amen. C'est ce que je voulais. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour ce que le Seigneur a de faire, n'est-ce pas? Amen. Avant que nous ne venions là, depuis le matin, le frère Achimon était en prière. Une autre femme qui est sortie de Yaoundé, elle avait les greffes partout sur la tête. Je ne savais pas qu'elle avait fait un vœu à Dieu. Il dit, Seigneur, si tu me délivres ici, là, j'enlève mes greffes. On l'a délivré, c'est là. Elle a commencé à déchirer la greffe. Il dit, mais quel est ton problème? Il dit que j'ai fait un vœu à Dieu, que si on me délivre, je vais retirer ma greffe. Elle a dit que je l'ai pour transporter en venant ici, je l'ai transporté pour la laisser à l'agence pour qu'elle prenne la voiture. Elle dit, elle commence à rire dans la voiture. Elle dit, c'est quoi? Elle dit, c'est la première fois de sa vie que je marche naturel. Il dit, mais naturel. Je répète encore le mot naturel. Elle dit naturel. Il dit, ok, maintenant, souvent tu marchais comment? Elle n'a pas pu le dire. Donc, elle dit, c'est la première fois, elle se sent bizarre parce qu'elle marche naturel. Mais le Seigneur, quand même, le Seigneur l'a délivré. Vous pouvez être possédé sans savoir. C'est ici qu'il va avancer ce soir. Vous devez chercher la délivrance. Il veut donner les indices dans un domaine particulièrement. Pour ceux qui ont visité, prendre les choses des marabouts, il vous faut la délivrance. Plus particulièrement, ceux qui sont allés chez le marabout en disant qu'ils partent pour les protections. Si vous allez pour les protections, on va faire des certaines choses sur vous et vous donner certaines choses. Quand vous prenez, c'est un esprit que vous avez pris. Quelle qu'en soit la chose qu'on vous a donnée. Vous avez besoin de délivrance. Que vous l'admettez maintenant ou non, vous avez besoin de délivrance. Dans ce livre de Matthieu, chapitre 4, la Bible déclare qu'après que le Seigneur ait été tenté, il parcourait toute la Galilée, il prêchait la bonne nouvelle et on amenait à lui tous ceux qui étaient guéris. Il marchait partout, il guérissait les malades, pas vrai? Donc la puissance du Seigneur Jésus-Christ parcourt partout. C'est ça, n'est-ce pas, frère? Dans Éphésiens chapitre 3, la Bible déclare que il faut que l'Église, c'est au travers de l'Église qu'on va comprendre quelle est la puissance infiniment variée de Dieu. C'est au travers de l'Église. L'Église ne peut pas fonctionner dans cette puissance-là avec la puissance ennemie en elle. Il faut le nettoyage et la séparation. Satan maintient les gens captifs avec ces choses c'est pour que on ne soit pas libre. Beaucoup de familles sont tenues captives comme cela. Il y a beaucoup de personnes qui sont tenues captives. Vous êtes ici, peut-être vous ne savez, vous n'êtes pas au courant. Il y a un frère qui était venu de Yaoundé. Pour ceux qui ont suivi cela, un groupe de frères qui sont venus à Yaoundé. J'avais dit que à l'intérieur de cet enseignement-là, quand ils sont venus à la maison, il dit votre maman aussi a besoin de délivrance. Vous vous souvenez de ça? Pour ceux qui ont suivi cela, il dit votre maman va venir. Quand la maman est venue, il dit que vous avez un marabout chez qui vous partez. Elle est au bord du gouffre. Elle est près de la mort maintenant. Je donne les instructions que allez voir ce marabout-ci. Vous lui dites que telle ou telle chose. Il donne les instructions. Attendez, Attends, il vous lit ce qu'il a écrit en retour. Donc, j'ai envoyé le message à ce moment-là que allez voir le marabout chez qui vous allez chaque fois pour le remettre parce que le Seigneur a donné quelque chose. Il y a une porte ouverte pour elle, pour la repentance. Et c'est une femme qui est née avec ce qu'on appelle ce don-là. Voici ce qu'il a écrit. Voici ce qu'il a écrit après ça. Il dit, oh bon, il commence un peu plus haut. Il dit, frère, j'ai suivi les instructions telles que tu as données. Ensuite, elle a demandé les nouvelles de la famille. Ma maman le lui a dit. Et elle lui a donné le témoignage de ma petite soeur et de la soeur et de la soeur qu'elle a vu délivrer du mami Water parce que sa maman en venant, on a délivré certainement une fille qui avait la sirène. Quand elle est revenue à Douala, elle a loué le Seigneur. Ça, c'est le marabout. Elle a loué le Seigneur et a dit merci qu'on soit venu lui apporter cette nouvelle. Elle dit qu'elle est dans les difficultés, qu'elle ne peut pas dire à quelqu'un. Or, on est à Douala. Le Saint-Esprit dit que cette femme-là a des problèmes. Elle est dans les problèmes. Dieu veut la délivrer si elle se repent. Écoutez très attentivement. Elle dit qu'elle est dans les difficultés, qu'elle ne peut pas dire à quelqu'un. Elle nous a demandé de te dire qu'elle ne peut pas se déplacer, mais qu'elle veut que tu viennes. Elle dit elle-même que si le Seigneur le permet, elle veut qu'on enlève toutes ces choses qu'elle a dans sa maison. C'est une marabout ça. Aussi, elle a confirmé que ce n'est pas le Seigneur qui l'a envoyé faire ce travail, mais qu'elle a été initiée dès le ventre de sa maman. Voilà quelque chose qui nous attend à Yaoundé maintenant. Donc il faut qu'on se déplace pour Yaoundé pour résoudre ces problèmes-ci. Dieu est à l'œuvre. Mais voici pourquoi il prend ce témoignage-ci. C'est que ce sont ces gens-ci chez qui on part pour recevoir la protection. Voici la personne qui cherche la délivrance. N'est-ce pas un paradoxe? Il dit bien, quand les gens ont des problèmes dans le monde, ils fuient chez qui? Chez le marabout. Notez Ésaïe chapitre 30. Ésaïe chapitre 30 et Ésaïe chapitre 33. On va y revenir tout à l'heure. Donc, voici quelqu'un qui est dans le maraboutisme depuis sa naissance. Une maman qui avoisine déjà les 70 ans. Donc, elle a été initiée dès le ventre de sa maman. C'est quand on sera présent qu'on va discerner tout ce qu'il y a en elle. Parce qu'autour de sa maison, ils sont en train de travailler depuis pour regarder les choses qu'elle a mises autour. Parce que depuis que ces esprits-là ont vu qu'elle veut se repentir pour quitter maintenant, il y a tout un garde du corps autour de sa maison. Dès qu'il est où, le garçon là qui a envoyé ses nouvelles, on l'attend ici là. On l'attend ici là. Il faut qu'on va aller avec Papa Tani. On parle avec toi, c'est toi qui vas tendre la main. On se met devant. C'est ça non? Non, Papa Tani va dire qu'il est à séminaire. On prend qui là? Frère Anno. Non, Frère Anno va dire qu'il n'est pas encore. Hein, Frère Anno? mais gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Parce que sa parole court avec vitesse, n'est-ce pas? Et l'exécuté de sa parole est puissant. Donc, dans ce livre d'Ésaïe chapitre 30, lisons cela avant de chercher la délivrance. Voici donc les personnes chez qui on va pour chercher la protection, pour chercher le refuge. Mais c'est eux qui cherchent aussi la délivrance. Eux-mêmes, ils s'en sortent. Vous savez, les marabouts, beaucoup de marabouts ont des blessures. D'autres ne peuvent pas manger certains nourritures parce qu'ils ont des mal gastriques. Mais si sa plaque d'œil dit que mal gastrique est hémorroïde, ils traitent. Faisons attention. Mais voici la plus grande des choses. La plus grande des choses, c'est que ces personnes dont on a parlé comme étant marabouts sont tenues captives eux-mêmes également. Vous savez ça? C'est-à-dire qu'eux-mêmes sont sous la captivité. Un esprit les a soumis à leur volonté. Maintenant, ils ne vont qu'exécuter l'ordre de ces esprits. Ils enseignent que s'ils n'exécutent pas tel que sont les dits, ils vont aller en dérive. Donc les esprits vont les traiter. C'est pour ça que vous entendez par exemple que les manichéens disent qu'on les chicote. On les chicote souvent parce qu'ils n'obéissent pas. Ce sont des leçons seulement qu'on leur donne. Dans Ésaïe chapitre 30, le livre du prophète Ésaïe, chapitre 30, qu'est-ce que ça dit là? Regardez à partir du verset 1. Malheur, dit l'Éternel aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. Vous y êtes? Vous avez mon frère? Amen. Qui descendent en Égypte sans me consulter. Dieu dit malheur. Puis il dit, pour se réfugier sous la protection des pharaons et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. Et quand on parle de l'Égypte, vous comprenez qu'on en a parlé de la magie. De la magie. Dans le sens spirituel, on parle de la magie. On parle, en termes de guerre, on parle d'aller prendre l'armée de Pharaon pour se protéger dessus. En termes spirituels, on parle d'aller faire prendre la magie égyptienne pour pouvoir se protéger. Ça va pas tenir. Et Dieu dit donc malheur donc aux enfants rebelles. Il dit qu'en faisant ça, on accumule péché sur péché. Donc peut-être tu as fait quelque chose que Dieu n'est pas, Dieu est fâché contre toi. Au lieu d'aller demander pardon, on dit maintenant comme Dieu ne me répond plus, comme Saül l'a fait, comme le roi Saül l'a fait. Il a posé un acte que Dieu, il a déshonoré Dieu. Au lieu de rester dans la repentance, traiter ce cas avec Dieu jusqu'à ce que le problème soit résolu, qu'est-ce qu'il a fait? Il allait encore accumuler péché pour aller descendre jusqu'à chez une sorcière. Vous me suivez, frère? Donc vous pouvez être possible. Vous qui allez faire la protection, chercher la délivrance. Vous avez les membres de votre famille. En fait, demeurez dans la prière en demandant, Seigneur, montre l'état spirituel de ma vie. Vous serez surpris. Frère Jean-Pierre, tu es prêt? Comme tu n'aimes pas parler, me dis, viens. Voici le frère Jean-Pierre. Sauve mes gens. Tu es prêt, frère? Tu es vraiment prêt? Assieds-toi donc sur la chaise là-bas. Après, tu vas revenir. Je veux que vous suivez très attentivement, d'accord? Après, on va lui poser la question. Je vais mettre l'ordinateur là-bas. Je veux que vous suivez très attentivement. Je vais vous expliquer des choses. Après, on va lui poser des questions. Soyez attentifs. Oh, c'est mieux qu'on finisse avec la jeune fille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, vous voyez le cas de la jeune fille ici. En réalité, quand tu regardes à l'extérieur, tu crois que c'est extrêmement grave. Pas vrai? Que c'est tellement grave. La possession au premier degré, au deuxième degré, au troisième degré sont totalement différents. Maintenant, c'est différent de l'oppression. Il y a la possession, c'est-à-dire que l'être habite dans le corps. Maintenant, il y a l'oppression, c'est-à-dire qu'on contrôle à distance. Vous voyez cela? Maintenant, regardez bien son corps, observez là-bas. Observez. Vous voyez, ici, il faut construire quelque chose autour de son cœur, autour de sa pensée. Si cette chose n'est pas construite de l'extérieur, on continue toujours à la manipuler. On comprend ça, fragile. Donc ici, il faut qu'une construction autour de sa pensée. Si ce n'est pas autour de sa pensée, elle va continuer comme ça. Tu vois ça? Donc, ses pensées sont manipulées à distance. Ça peut faire arriver au niveau où elle va enlever sur lui ses amis. Et pas. Au nom de Jésus, donc en réalité, ceci est plus grave que ça. Donc, pour le garçon, c'est qui est au sol là. Ça peut être très grave par rapport à celle-ci. Celle-ci, son rôle, c'est seulement de. Dès qu'on va construire toutes ces choses autour d'elle, ce qu'elle va faire maintenant, c'est de maintenir cela, maintenir le bloc. Un peu comme quand les policiers vont en guerre, quand on met les boucliers. Il faut maintenir cela. Si on maintient, il n'y aura plus d'attaque à l'extérieur, de l'extérieur. Si on envoie l'attaque, ça touche à l'extérieur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, esprit de forêt. Toi, esprit de forêt. Toi, esprit de forêt. Sors de ces garçons. Sors. Sors maintenant. Maintenant. Libère-le. Au nom de Jésus. Libère-le maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Libère-le. Sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors. Ça, c'est plus grave que la fille qui fait le bruit là-bas. Sors. Ceci également, ça s'est passé au travers comme ça du marabout. Ça c'est le marabout. Ça c'est l'alliance avec chez le marabout. Vous partez chez le marabout, vous distribuez les choses, mais le marabout c'est le travail avec l'esprit des forêts. Sors. Dans son esprit, il contacte son esprit dans la forêt. Sors de lui maintenant. Sors de lui. Sors. Hey, sors. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lève-toi, tu es libre. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Frère Jean-Pierre, viens. Donc, voici le frère Jean-Pierre, pas vrai? Quoi, le frère William, lui? Vous savez, ce frère William, vous avez vu quelqu'un qui est assis là-bas derrière en verre, non? C'était le frère William. Pour lui, il était déjà fini. Vous voulez voir pour le frère William? Vous voulez voir pour lui aussi? Vous voulez voir pour le frère William? Oui. Mais c'est quand même curieux ça. Quand quelqu'un obtient quelque chose de la part du Seigneur, rendez grâce à Dieu pour cela. Amen. Rendez grâce à Dieu qu'il rend capable d'être délivré de la puissance des ténèbres à la lumière. Et quand vous rendez grâce comme ça, vous ne savez pas ce qui arrive pour vous. Pourquoi ils sont allés le montrer ceci? Parce que je suis allé le dire, parce que les gens peuvent être possédés sans s'en rendre compte. Il y a des gens qui savent qu'ils sont possédés. Vous êtes conscient de cela. Vous savez que vous avez un pas au moins. Mais de quelqu'un qui ne connaît pas qu'il est possédé, c'est un danger. Vous comprenez, frère? Première chose, il ne venait pas là-bas à la maison pour la prière. Il ne l'est pas appelé pour la prière. Même celui-là, parce que pour lui, il y a quelque chose qui a été dit de lui de longtemps. Il avait dit que toi et moi, on va se rencontrer. Mais il ne venait pas à la maison pour la prière. J'ai commencé à prier pour cette jeune fille-là. Il a entendu pff, derrière moi. Quelque chose sorti comme le robinet derrière moi. J'entends grrr. Je m'attends à ce que si quelqu'un dégame, ce sont les hommes qui arrêtent. Je vois que c'est grave plutôt derrière moi. Je dis, ah, qu'est-ce qui ne va pas? Qui va m'aider ici? Là, si c'est fort ici dans la maison, si, qui va m'aider? Ça a commencé beaucoup sur eux. Donc finalement, comme vous voyez là, c'est le frère William a été délivré en premier. Lui en deuxième, puis la jeune fille en troisième. Pendant qu'on a été délivré la jeune fille, ils étaient dans ma KO, chacun était de côté comme ça. Donc, les gens qui étaient censés m'aider, ils étaient KO comme les militaires qu'on a désarmés. Donc son cas intéressant, parce qu'on va parler de ceci. Pour que vous compreniez l'importance d'être délivré. Un. Et de deux, comment ça se passe? Et trois, tous ceux qui sont allés chez le marabout et qui ont pris, je suis allé décider de la protection. Parce que quand il a prié, vous avez remarqué tout à l'heure dans cette vidéo, que monsieur tenu là, il dit que le cas de ce jeune homme qui est au sol est plus dangereux que le cas de cette femme-ci. Parce qu'elle fait les gesticulations. Les gesticulations, plus l'esprit parle, plus vous pouvez détecter quel est l'esprit. Mais ici, l'esprit n'y bavarde pas. Vous savez même pas, et vous avez remarqué que j'étais en train de pousser plus son pied. L'esprit résidait dans son pied. Il est là calme. Et il porte ça chaque jour, on ne connaît pas. Et j'ai dit, cet esprit, c'est l'esprit des forêts. Pas vrai? Et c'est ça a été contracté, le marabout. Ils sont allés pour la protection. Et le marabout qu'il fait travaille avec la forêt. Le voici qui est devant nous. Il n'est pas encore interrogé. Donc il va devoir parler maintenant. La première chose, c'est que le garçon est debout comme ça là. Il se met debout pour attendre la prière. Ce qu'il reconnaît, c'est ceci, c'est que il était tellement conscient quand on a dit tout à l'heure que lève-toi, tu es libre. Donc il se souvient qu'il était debout pour prier. Après, il entend, lève-toi, tu es libre. Du moment où on dit, lève-toi, on prie, et lève-toi, il ne sait pas ce qui s'est passé tout autour. Donc, quand il voit comme ça, il est choqué. Il veut que lui-même, il dise, il veut te poser au fur et à mesure des questions, n'est-ce pas? En venant d'abord, est-ce que tu savais que tu avais un esprit qui habitait? Non. Mais toi, tu viens pour faire quoi donc? En fait, ça a été dit qu'il allait nous voir. Je parlais, c'était une commission. Oui. Ou une prière, on va aussi faire comme ça. En réalité, je n'étais vraiment pas fixé sur une idée. Oui, explique-nous comment ça se passait, comment ça s'est déroulé. Les gens, des zones où tu es conscient, dis-nous. En fait, quand on commence la prière, j'étais là. J'étais là comme ça. Bon, après, j'ai commencé à sentir des sensations au niveau de mon genou. Oui. Ça venait un peu. Après, ça commence à vibrer vraiment fortement. fortement. Après un moment, j'étais un peu perdu. Je ne me retrouvais plus. Bon, la prière allait. À un moment donné, je me suis retrouvé. Je n'arrivais plus à me tenir debout, même m'asseoir. Quand je veux m'asseoir, je suis plutôt. Qu'est-ce qui t'est tiré au sol comme ça pour t'aider dans le sol? Mais ça faisait quoi dans ton corps? Qu'est-ce qui s'est passé dans ton corps? C'est comme si on enlevait quelque chose. C'est pas comme si. Voilà. Donc, comme s'il y avait les cordes à l'intérieur de ta chaise qui sont attachées, on devait les tirer. Que ça sorte. Comme ça. Et quand tu sentais ça, tu n'étais pas étonné que qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Je me forçais à m'asseoir. Je me forçais vraiment comme un homme, je ne parlais pas. Tu ne parlais pas, ça te tire seulement. Ok. Et comment, à quel moment tu étais conscient donc? Bon, au moment où lève-toi, tu es libre. Bon, je me regarde, je dis comment, mais c'est quoi ça? Le pied ne tremblait plus comme ça faisait là. Et à l'intérieur, qu'est-ce que tu as ressenti quand ça a été dit lève-toi, tu es libre? sais comment expliquer. Mais la stabilité, ce qui tirait dans le corps, mm-hmm. quand ça a été dit, tout s'est calmé. Calmé. Oui, le calme est revenu, c'était vraiment sérieux. Et comment tu t'es ressenti à l'intérieur? C'était bon. Ok, maintenant, dis-nous, comment tu as fait pour avoir cet esprit en toi? Comment tu as fait? Je vais aller au début. Oui. Ça se passe, je crois, en 2012. Vous entendez là-bas, hein? À partir de 2012. Quand je commence mes travaux professionnels dans les chantiers et tout, bon, je contacte un contrat. Dans le contrat, là, je gagne le marché. Et dans le marché, je commence le travail bien. Je commence le travail. Mes premiers jours d'essai, ouais, j'ai fait un mois d'essai. Je commence à ressentir des fatigues. Je pourrais être au chantier comme j'avais travaillé, mais je ressens une fatigue comme si mon corps se paralysait. En fait, tout mon corps était fatigué. Je dis, comment, mais ça, c'est quoi ça? Il est vrai que je priais quand même, je dis, Seigneur, vraiment, aide-moi. Je demandais l'aide du Seigneur. J'ai résisté. Mais un soir donc, que j'avais fini le travail, j'avais emprunté une moto pour la maison. Pendant le trajet, donc, je ressens encore, cette fois-ci, c'était plus pire. Une terrible fatigue, vraiment, qui m'anéantit. Je m'adossais, je prenais la puce sur le bicycle pour ne pas tomber. Le conducteur de moto. Oui, le conducteur de moto. Oui. Donc, j'étais là-bas comme quelqu'un qui est cadavre derrière. Quand, oui, donc, ça dit que balançait fort, tu tombais pas derrière. Jusqu'à ce que j'arrive à l'endroit, je devais descendre, pas encore une moto pour la maison. J'arrive, je ne pouvais pas aller à la maison directement parce que je craignais, mais qu'est-ce qui m'arrive? Oui. Elles sont les choses qui entendent soit que. On prend quelqu'un dans le formulaire, des choses comme ça. Ou bien, comme il y avait de la concurrence, je me disais, ben, c'est mon concurrent qui est en train de faire des choses comme ça. Ce sont des pensées vraiment qui défilaient dans ma tête. Alors, j'arrive donc chez ma grande sœur. J'explique le problème à ma grande sœur. Ma grande sœur me dit, voilà, toi tu es là depuis, on te dit que l'on va au village, tu vas chercher la protection. Le travail que tu fais là, il y a tellement de personnes qui le veulent. Et tu as sûrement des concurrents. Les endroits que tu fréquentes, il te faut la protection. Donc, va au village. C'est ta grande-sœur qui te dit ça. Oui, c'est ma grande-sœur qui me dit ça. Que depuis qu'on te parle, maman est venue aussi te parler, tu as refusé, tout le monde te parle, tu fais dans ta tête. Bon, voilà. Si ça arrive là-haut, oh, c'est ton problème. Oh. Quand elle a dit ça, tu as oublié de dire que tu priais. Oh, Seigneur, comment ici là, il faut vraiment que je parte au village. Vous avez vu ça, c'est amusant, pas vrai? Donc, il a dit qu'il priait Dieu, il priait Dieu. Mais quand on a dit comme ça, il a suivi d'une parole d'une jeune évangéliste. Que. Le niveau où je te vois là, tu ne vas pas au village, tu es mal barré. Il dit que Seigneur, toi, tu vois qu'il faut qu'il descende au village. Il ne dit pas que Seigneur, tu vois qu'il est grave, l'heure est grave, il faut que tu interviennes. Il dit que Seigneur, tu vois qu'il faut que je parte au village. Avance. Bon, c'était la période, je crois, il y avait un deuil. J'avais donc profité de partir. En fait, elle avait appelé la maman m'attendait déjà. Donc, on t'attendait sur place au village. Au village, que bon. Elle avait appelé la maman que voilà, il arrive. Depuis, comme tu avais parlé, là, il est en train de venir, mais il a accepté. Il a pris conscience. Il a finalement, oui, accepté. Mm-hmm. Donc, j'arrive, donc, elle qu'est-ce qui te motivait d'aller là-bas? Tu avais peur? La peur, juste la peur. Mais franchement, il ne voulait pas. Oui, mais juste allons-y. La peur, oui. Maintenant, quand j'arrive, donc, au lieu du déjeuner, je dis, voilà, tu as bien fait d'être là. Parce que vraiment, tu sais que tu es le seul enfant vraiment qui essaie de faire quelque chose de bon. Et toi, tu as beaucoup de portes qui sont ouvertes devant toi. Il faut vraiment la protection. Et je crois que c'est toi qui peux relever la famille, des choses comme ça. Tu as commencé à m'en parler. Bon, tout ce que moi je veux ici, c'est la protection. Moi, si c'est les gens là qui veulent finir avec moi, que cela s'arrête. Donc, tu voulais la protection? Oui. Mm-hmm. Bon, c'est ça. Je pense, le lendemain. Le lendemain, là, on est donc arrivé chez le. Elle m'a conduit chez le marabout en question, ma mère. Oui. Elle m'a conduit chez le marabout en question. Ça fait qu'en cours de route, j'avais des tu pars où, tout ça, là, les voix qui revenaient en moi. Donc, il y avait des bagarres en toi, oui. Tu pars où comme tu ça, là où, tu peux même pas rentrer ici, là, tout ça. Tu peux pas rentrer ici. Mais juste là, il fallait que tu aies la protection. Et ça, c'est le cœur qui résonne. Mm-hmm. Donc, un cœur te dit pas, un autre cœur dit rentre. Mm-hmm. On arrive donc. Comme ça. Il dit que, oh, voilà, c'est ton enfant ici. Il dit, oh, vraiment. C'est vraiment. Oh, non, c'est le seul, c'est le que tu me parles souvent là. Oh, ah, c'est vrai. Oh, c'est le site, vraiment. C'est bien. Bon. Il m'amène là, dans une chambre où il faut d'abord faire la voyance. Mm-hmm. Quand il me dit que tu es marié, tu as une. Moi, je suis marié depuis quand? Bon, en fait, j'ai balancé que bon, toi. Tu as dit que. Donc, il a commencé par mentir. Au lieu de sortir, oui, tu... que... voilà quelqu'un qui te ment. Et tu te confies à lui pour la protection. Bon, il dit, bon, ce que je veux, c'est la protection. Si tu... Il peut mentir là-bas, mec. Donc, tu penses qu'il peut te mentir là-bas, mec, il te dit quand même la, il te donne quand même la protection. Mes chers amis, fuyons ces choses-là et recherchons le Seigneur Jésus. Amen. Il n'y a point de refuge en dehors du Seigneur Jésus. C'est vrai que le Seigneur Jésus-Christ fait toutes choses en son temps. Et c'est parce que la réponse du Seigneur Jésus ne vient pas souvent comme nous voulons. Et selon le temps que nous voulons, c'est ça qui fait que les gens font dans ces dérives-ci. Parce que tu restes souvent un haut lit comme ça là. Tu dis, j'ai pris par la foi, par la foi. Le lendemain, tu vois, l'abcès est ici. Tu pars au miroir, tu vois que hier, il n'y a pas l'abcès. Quand tu as prié, l'abcès est sorti. Tu pars encore, je prie, je crois. Le pied gonfle. Quelqu'un vient te dire que l'affaire, tu connais tel qui était au village, oui. Ça n'a pas commencé comme ça. Quand il dit comme ça, il sort. Tu restes comme ça que mais l'affaire, c'est grave. Seigneur, tu vas me laisser comme ça. Il ne dit rien. Cette période, c'est ce qu'on appelle le test de la foi. On ne peut pas dire en quoi est-ce que vous allez témoigner les bontés du Seigneur, les grands choses, les délivrances du Seigneur, si vous n'êtes pas dans la détresse. Vous me suivez? David dit que les gens avaient creusé derrière sa fosse. Donc on a creusé jusqu'à ce qu'on l'a mis là-bas. On voulait mettre de côté comme ça là. Il dit ceux qui ont creusé ma fosse sont tombés là-dedans. Pourquoi Dieu attend jusqu'à ce qu'on creuse jusqu'à sa fosse? Pourquoi Daniel, malgré qu'il sait Dieu haut là-bas, on ouvre le truc des lions, on le jette à l'intérieur. Dieu permet qu'on ferme même l'enclos jusqu'à ce qu'il reste à l'intérieur avant qu'il vienne l'enlever. Pourquoi il permet qu'on verse même les gens, quelqu'un dans le feu? Il permet jusqu'à ce qu'il passe là-bas pour qu'il puisse t'enlever dans la détresse. Donc pendant qu'il est comme ça là, on le ment. On lui dit des mensonges, que tu es marié. Tu as l'oïté. Hein? Donc pendant que tu es là, on te trompe, on dit que tu es marié. Et tu ah, bon, je suis venu ici pour la protection. Allons-y. Comme tu as dit tout à l'heure, c'est vrai que là-dedans, pendant mes nuits, après cette heure, il y avait des oppressions. Mmh. Je pourrais sentir peut-être comme si un être est assis sur moi. Oui. Donc, je n'avais pas de force. Je pourrais passer là comme ça. Que paralysé. Paralysé. Mmh. Souvent, ça m'arrive. Oh, Seigneur, je suis sauve. Mais qui dit ça, ça part. Oui, quand j'ai pris le Seigneur, il sauve. Oui. Mais dans la réalité, quand tu ne veux pas l'invoquer, il restait tranquille. Oui. Après, il y avait un moment où je restais vraiment dans la prière, ça ne m'arrivait pas. Oui. Mais à un moment donné, je trouvais un peu de solutions. Oui. Dès que tu me parlais, bon, je retournais encore dans mes bêtises. Le septembre, ce qui s'en est parlé comme marabout, il a une chaise qui n'est pas conventionnelle. Il a un style de chaise dans sa maison qui n'est pas conventionnel. Ce style de chaise, c'est comme si on a fait ça avec des labres. Élie, c'est Maraboussi, a un style de chaise qui c'est pas conventionnel, c'est pas un style de chaise, c'est pas des chaises normales que nous avons. Il y a un style de chaise chez lui qui est comme si c'était l'arbre, donc on a fait avec l'arbre. Tu me suis? Oui. On continue. Il me dit oui. Il voulait dire quelque chose par rapport à ces chaises-là, c'est avance donc. Bon, j'étais donc assis là-bas. Il me dit, bon, tu es marié avec une fille Douala. Bon, la vie en question, bon, c'est vrai que j'avais une copine, elle était Bakoko, elle n'était pas Douala. Mm-hmm. Bon, je lui ai dit, oui, bon, c'est peut-être comme il a dit Douala, comme nous sommes tous de ce côté-là. Mais tu étais marié. Non, je n'étais même pas marié. Continuons sur la protection, laisse-le, tu l'as dit sa chose. Et la fille m'a dit, tu as beaucoup d'ouverture, vraiment, c'est bon, tu es quelqu'un vraiment qui sera... Puisque ta mère a dû lui raconter souvent, voilà, continuons. Juste comme ça. Après maintenant, le lendemain maintenant, il me fait des zèbres. Oui. Les zèbres, là, arraché les zèbres dans la forêt. Il m'a donné l'aliment de la vie. Vous avez suivi ça? Vous avez suivi ça, n'est-ce pas? Oh, pendant qu'on a des prières, il dit, ça, c'est l'esprit des forêts. La personne se travaille avec la forêt. Il a contacté ça dans la forêt. C'est pas ça, frère? Alors, je pose la question, comment on pouvait être là et savoir ces choses-ci alors que la personne n'a pas raconté? Comment? Ah non, c'est seulement les plantes. C'est un naturopathe. Un démonopathe, vous voulez dire? Et quand il s'avance dans la forêt, qui lui dit que va prendre telle chose? Qui lui parle que va prendre telle chose, donne-lui pour telle situation? Qui est en train de le guider? Faisons attention. Et maintenant, continuons. Oui, continuons. Je me lavais donc avec cela. Je me lavais. Ma demi, je crois. Le peu de jours qu'il devait être là-bas. Vous suivez là-bas. Le peu de jours qu'il devait être là-bas, donc je me lavais avec ces herbes-là. Le jour final. Il a dit à ma mère que bon voilà, il va faire la dernière chose qui va permettre. Si c'est que on ne va plus toucher à ton fils, même si c'est qu'il ne pourra plus jamais le toucher. Il a coupé encore. Il a coupé encore sur moi, il a arrosé le sang. Donc il a tué un corps. Le sang coulait, il a versé sur lui. Donc il consacre le sacrifice. Les incantations, en maudissant les gens, en faisant des incantations, en maudissant, bon. C'est là où c'était fini. Tu étais sûr que tu étais protégé. Bon, le coq mort protège, frère. Le coq mort. Au moins, tu peux avoir un coq qui est méchant, qui chasse déjà à côté. Mais celui qui est mort protège. Hein, toi-même aussi, avec le recul. Je sais pas, moi j'étais plongé dans son histoire là. Oui. Maintenant, vers la fin, donc, il dit il va faire encore l'autre ici. C'est pour voir si son truc a bien marché. Oui. Oui, il a sorti un truc là que le poisson, le papa de bœuf, son c'est comme la corne. Oui. Il dit que si ça colle sur moi, ça veut dire. La corne, ça c'est la corne de bœuf où on boit souvent les vins de pain là-dedans. Oui. Si ça colle sur moi, ça veut dire que le traitement oui. a marché. Et là, donc, il essaie de coller ça plusieurs fois, ça, ça tombait. Oui. Il invoque, il tape, il met ça. Tombe. Donc, rien ne marchait. Rien ne marchait. Oui. Il invoque. Il veut mettre ça tombe. Est-ce que ta maman était présente? Elle était là, elle était assise, ça prend. Et il a dit que s'il met ça sur toi, ça colle, alors ça a marché. Oui, c'est bon. Il fait ça plusieurs fois, ça ne marche ça pas. Ça marche pas. Après, oui. Il dit à ma mère que bon, ça va, c'est bon, va avec ton fils, c'est bien, bien le traitement. Ta mère aussi a accepté. Oui, elle a accepté que non, ça vous va, voyez l'envoûtement familial, n'est-ce pas? Mm-hmm. Et là, tu es parti. Oui, je suis parti. Et après, il a fait les incisions, les trucs comme là, ça. Là, tu n'as plus jamais eu le truc de somnolence que tu as eu? J'avais toujours, c'était pas parti. Et ouais, ouais. C'était même plus puissant, même encore. C'était grave. Merci, et frère. Va t'asseoir. Mais maintenant, depuis quand que tu as été délivré, comment tu te sens donc? Non, ça va. Bon, ça va. Va t'asseoir. Qu'est-ce que c'est de bien? Bon, vous lui avez donné combien le marabout là? En fait, il a demandé les sacrifices que je ne pas d'abord. Comme il n'avait pas assez d'argent sur moi. Oui. C'est pas le capteur du montant, c'est ça qu'il avait demandé. Oui. Là, après, je vais monter sur le bois là, je vais rentrer les sacrifices à la Sanaga. Pas verser l'eau dans la Sanaga. Oui. À qui là-bas? Tu n'as pas demandé que tu peux faire des sacrifices à qui à la Sanaga? Oui. Voilà vos gens avec qui vous collaborez. Voilà donc les gens que vous avez au quartier. Vous entrez dans les tertiaires avec eux. Vous draguez leurs garçons, leurs enfants. Voilà les gens avec qui nous mangeons, au marché. Ils sont avec vous. Dans les réunions, dans les voitures, vous voyagez avec eux, ils sont à l'intérieur. D'autres vendent leurs produits. Maintenant, ils sont devenus modèles. Il y a les marabouts modèles maintenant. Ils vous prêchent comme ça, là, en vous faisant rire d'abord. Après, ils goûtent, chacun goûte dans la bouche. Ah, ceci, prenez, ils vous évangélisent. Mais le chrétien à l'intérieur, ça se soit dit que s'il parle de Jésus, on va me regarder ici. Mais regardez toute l'effervescence qu'il y a dans le bus durant ce moment-là. Mais lève ta vie l'évangile. C'est qu'on va, peut-être, on va, tous les passagers vont se mélanger pour te balancer dehors. Mais quelqu'un qui distribue les démons gratuitement, en fait, mais même pas gratuitement, vous payez de votre argent pour avoir le démon. Donc l'être humain est astreint à, quand vous voyez quelque part, quand vous prenez, on prend de l'argent, c'est là où ils sont sûrs que ça va. Cette délivrance, si c'était quelque part où en allant voir l'homme de Dieu, on achète un litre d'eau d'abord, on s'inscrit, on paie 25 000, on donne 25 000, voir l'homme de Dieu. Cette personne doit dire non, c'est parce qu'il prie beaucoup. C'est la malédiction. Le salut est accordé gratuitement. Le don du Saint-Esprit est accordé gratuitement, ainsi tout ce qui en découle du don du Saint-Esprit. Vous faites n'importe quoi pour avoir quelque chose du Saint-Esprit, vous en, c'est la malédiction que vous cherchez sur vous. De toute façon, je vous ai donné à chapitre 8 aujourd'hui, vous avez vu ça avec Simon le magicien. Vous suivez? Donc, vous avez été là où il y a la protection, faites attention, vous avez besoin de délivrance. Parce que les esprits entrent, ils logent là. Là, ils logent là. Vous marchez avec le temps, tant qu'il n'a pas confronté une puissance étrangère, il sera là chaque fois. Tu vas pisser, tu pars avec qui? Tu loues avec qui? Tu manges avec qui? Quand tu peux cacher ton argent quelque part qu'on ne voit pas, tu guettes dehors comme ça, tu guettes dehors. Lui, il se trouve où? Mm-hmm. Il voit avec tes yeux. Il voit, mais c'est même lui qui garde. Faisons attention, recherchons la délivrance, d'accord? Pour ceux qui ont été dans les marabotismes avec les trucs de protection, cherchons la délivrance. Vous avez besoin de délivrance. Testez-vous dans la maison. Testez-vous seulement. Mettez seulement la main sur vous. Si vous savez que vous avez fait la protection, je vous le dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mettez seulement la main sur votre ventre. Vous dites que si on vous a donné quelque chose chez les marabouts, vous avez léché. On vous a donné dans les pommes de main, n'importe quoi, sur n'importe quoi, vous avez léché. Arrangez-vous un moment donné dans la maison, vous êtes calme. Mettez-vous debout, mettez la main comme ça. Vous dites, tout ce que j'ai mangé chez les marabouts, je te commande de sortir. Vous serez surpris que vous-même vous renversez à la maison. Le Seigneur Jésus nous aime. C'est pour ça qu'il veut, il veut délivrer. D'accord? Donc, William. On n'a pas fini pour lui, hein. Thank you. Frère Jean-Pierre, à ce moment, quand tu es debout là, tu comprends quelque chose. Vous êtes déjà entraîné. Mais frère, qu'est-ce qui s'est passé dans ton corps à ce moment-ci? Toi, tu fais. Quand tu n'allais pas, frère, frère William, tu baisses ma tête maintenant. C'est comme toi qui crie là-bas, non? C'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Mais celui-là voulait sortir, c'est comme s'il avait fait des choses qui le bloquaient. Non, mais je suis là. Au nom de Jésus. Je me dis seulement tant que tu crois là, je ne sais pas si tu peux. Au nom de Jésus de Nazareth. Viens-tu. Je ne peux pas faire si je suis dans ta vie. Je vais faire dans ton livre. Ça montait, c'est bloqué à ce niveau-ci, n'est-ce pas? Et là, maintenant, ça pèse comme si c'était le ciment. Bon, ça va comme ça aujourd'hui. Regardons Acte chapitre 8, donc. Cherchez la délivrance. C'est vers toi qu'il vient. Tu veux pas qu'il vienne vers toi? Il n'y a pas de problème. Tu penses que c'est pourquoi il me tient devant toi? Tu sais ce qu'on appelle en anglais loneliness? C'est quoi, quel mot? Solitude. Solitude. Ok, ça veut dire quoi, mon cher? Bien compris. Solitude. C'est pour ça que je suis ici debout. Ou bien je parle pas, je rentre. Je veux pas qu'on en parle. Non. Solitude. C'est la première fois que tu viens ici. Tu m'as déjà vu ici. Tu m'as déjà vu ici. C'est la première fois qu'il vient ici. On s'est causé, parlé. Tu es venu à Paki. Solitude. Si tu veux qu'on comprenne, on va avancer. Tu sais que tu as besoin de délivrance. Est-ce que tu le sais? Je ne sais pas. Donc, quand tu vois cette vidéo, qu'est-ce que ça revient dans l'esprit? C'est pour être aussi comme un salamateur. Et quand tu parles de la solitude, je suis ton frère, d'accord? Je suis ton frère. Lève-toi, tu veux. C'est toi qui as l'honneur maintenant. C'est toi. Tu veux qu'on en parle par rapport à cela? Solitude, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Solidarité. Non, solidarité, c'est pas ça. Solidaire. Solidaire, ça veut dire que si quelqu'un a des problèmes, je suis avec lui. Solitude, c'est autre chose. C'est pas ce que ça nous regarde. Tu sais, quelqu'un qui marche quelque part. Voici les gens qui marchent de ce côté, ce sont beaucoup, ils sont nombreux. Celui-ci marche, il est unique dans sa direction. On dit qu'il est solitaire. C'est ça que ça veut dire. Il t'a dit qu'il y a un mot qui t'a amené ici. C'est celui-ci. Voilà, maintenant, vous ne devez pas être solitaire. Okay. Dieu merci que tu ne t'assois plutôt à côté de lui. Solitude. Solitude. Solitude. Loneliness. Dans Acte chapitre 8, il faut qu'on regarde ce qu'il y en a ici là. Donc, gardez votre Bible. Solitude. Solitude. Notre monde, dans ce monde, si on est à retourner à soi-même à l'intérieur, même à l'extérieur, c'est tout autre chose, c'est toute autre façon de faire. Mais à l'intérieur, c'est différent. Hein, mon cher? Tu comprends bien ce que j'allais dire? Frère Donat, c'est vous qui l'a amené. C'est toi? Tu connais bien, tu le connais bien. Tu connais bien sa vie. Donc, aide aussi, il parle. Si c'est... Alors que je suis en train de parler comme ça, il y a le choc là-dedans. Parce qu'on ne s'attend pas à ce genre de choses-ci. Solitude. Qu'est-ce que tu peux dire? Qu'est-ce que tu peux dire de ça? C'est ce qu'il est. Comment tu sais, tu es dans son cœur? Je préfère ne pas donner des détails que c'est un don, mais c'est par rapport au vécu. Ah, ok. Donc, quitte alors même d'abord. Quitte alors même ici. Voilà. Quitte ici. Quitte. Ce problème. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle parce que c'est un grand problème, d'accord? Vous voyez, ces choses-là, type à gauche, à droite, là. Donnez-moi sa Bible. Donc, ça, c'est la, donne toutes ces choses. Donc, c'est la quatrième fois où vous êtes, il est ici. Pour moi, la troisième fois. Troisième fois. Pour la première fois, c'est le jour où la sœur Paul a manifesté. Si tu es venu, en fait, là. Oui. Ça, c'est la première fois. Ne touche pas la Bible, ne fais pas la Bible, d'accord? Reste comme ça. Mm-hmm. Il était là le jour là. Hein. Oui, il n'a pas chassé aussi. Il n'a pas chassé. Il toi-même, tu chassais le démon aussi. Il vit debout, tu chassais le démon. Tu chassais quoi? Mm-hmm. Toi-même, tu es pour la délivrance. Nous sommes d'accord. Amen. Comment? Il est d'accord. Ça va? Ça. C'est la quantième fois que tu viens ici. Quelque chose te dérange. Tu veux qu'on en parle? Hein? Comment on vient parler au chapitre 8 ici là? Acte chapitre 8. Prenez Acte chapitre 8. J'essaie de marcher pour suivre ce qui marche devant moi, pour suivre le fil, pour voir où il me conduit. Je viens là, vous fermez la bouche. Quand on va distribuer la bouillie, si vous allez manger, je me tourne. Vous voulez marcher avec le Seigneur, on regarde s'il y a un obstacle dans votre vie pour enlever. On regarde s'il y a un obstacle pour enlever. On vient, commence à parler, vous restez tranquille. Vous voulez protéger, protéger. Avançons ici, Acte chapitre 8. Je vais vous montrer quelque chose lorsque Philippe va descendre à partir du verset 12. Regardez. Donc, prenez à partir du verset 5. Philippe étant descendu, il est à chapitre 8 là. Patagnon, c'est toi qui lis bien. Lis bien. Allons-y. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Oui. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Oui. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient « Celui-ci est la puissance de Dieu, celui qui s'appelle la Grande. » Il écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu, et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Amen. Donc voici le magicien que lui-même, dont on se tenait de sa magie, qui lui-même il est étonné maintenant de la puissance. Je vous ai dit tout à l'heure quelque chose. J'ai dit tout à l'heure, lorsqu'il parlait des marabouts, j'ai dit que même les marabouts eux-mêmes sont captifs. Ils cherchent la délivrance. Voici un cas. Vous remarquez que quand Philippe, lui-même, comment il s'appelle? Quand Simon le magicien a cru, lui-même voyait encore avec étonnement étonnement. Pourtant, quand lui travaillait avec son esprit, il étonnait les gens. On dit, tous, des plus petits, ils avaient longtemps étonné par ses actes de magie. Le plus petit, le plus grand. Or, qu'est-ce qui s'est passé avant que le Seigneur Jésus-Christ n'envoie l'évangile de Philippe dans cette ville-là pour aller prêcher? Tant l'évangile ne vient pas dans un lieu, règne de ténèbres. Vous voyez, et si ce n'est pas l'évangile qui est prêché, là, le mensonge sera pris pour vérité. On dit qu'ils appelaient ça c'est la grande, là. C'est ce qu'on appelle quoi? La puissance de qui? De Dieu. Vous avez remarqué que même les gens qui étaient dans l'ignorance n'appelaient pas ça puissance de Satan. Ils appelaient pas ça quoi? La puissance de Dieu. C'est ce qu'on appelle la quoi? La grande. Alors, quand le Seigneur n'est pas encore fait son pied, il y a quelqu'un qui est en train de me déranger. Quand le Seigneur Jésus-Christ n'a pas encore fait son pied quelque part, bam, les gens qui travaillent là-bas avec les actes de magie, ils vont toujours étonner les gens. Ils vont toujours étonner. Mais regarde que lui-même, il a été délivré. On dit clairement que plusieurs esprits sortaient des corps et en poussant des grands cris. Les gens voient maintenant que, Simon nous trompait seulement ici. Puisse le Seigneur envoyer les serviteurs pour délivrer son peuple. Amen. Le Seigneur Jésus veut délivrer son peuple. C'est pour ça que ces choses sont en train de s'opérer dans le monde entier comme ça. Ça va faire sur toute la terre. Amen. Les magiciens, les marabouts, les rosicruciens, les francs-maçons, les joueurs, les musulmans vont venir en grand nombre. En grand nombre. Péchez pas alors, comme pas vague là comme ça. Là. C'est vrai que quand ils vont sortir, ils vont donner le témoignage, l'autre de même métier vont dire que non, tu n'étais pas, c'est vrai que tu n'étais pas là parmi nous pour saboter, pour faire comme le saboteur, mais sonner à l'œuvre. Donc, mais je veux que vous regardiez quelque chose ici. Ceux qui ont cru ici, là, il a fallu la délivrance de cet esprit qui manifestait sur Simon, que manifestait Simon. On dit les esprits impus sortaient des corps, des paralytiques étaient guéris. Et la Bible déclare dans ce verset 8 là, à partir du verset 5 en suivant là, il dit qu'il y a une grande joie dans cette ville. Vous avez vu ça, frère? Pourquoi il y a une grande joie dans cette ville? Pourtant, il y avait une grande puissance de magie qui s'opérait. Donc, la puissance de la magie ne peut pas amener la joie que donne le Seigneur. Pourquoi? Parce que quand le Seigneur lui restaure, il restaure totalement et absolument. Amen. Alors que les actes de magie sont les actes de chimie qu'on tourne tout simplement les gris-gris. Comme le cas de notre frère qui dit ici qu'il allait pour la protection. On a coupé le corps versé sur lui. et le reste du corps, là, vous avez fait comment? Vous avez laissé là-bas. Il a mangé ça par derrière. Ils ont planté, après, platanier. Toi-même, là, on dit, toi-même, tu es parti sur le marabout. Oui, plus de fois. On t'a versé quoi sur toi, le porc? On a cassé l'œuf sur ta tête. Cassé notre frère de mange. Lorsque le règne de Christ n'est pas quelque part, automatiquement, il y a des ténèbres. Un peu comme quand vous appuyez sur un interrupteur, vous n'avez pas besoin de demander que le ténèbre vienne. Il vient automatiquement. Donc, l'absence de lumière égale ténèbres. Et qui dit ténèbres dit le règne de Satan. C'est pour ça que le Seigneur dit dans Actes des Apôtres chapitre 26, verset 12 et suivant, à l'apôtre Paul, qu'il a choisi du milieu de ce peuple pour qu'il parte, pour ouvrir les yeux, pour qu'il passe de la puissance des ténèbres, de la puissance de Satan à Dieu. Et qu'il obtient par la foi le pardon de leurs péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Verset Actes chapitre 26, verset 12 à 16. Je ne sais pas que vous comprenez. Tous ceux qui sont livrés aux actes de magie ont besoin de repentance et de délivrance. Il ne s'agit pas de dire que Seigneur, il te demande pardon, je suis allé chez le marabout, je prie tes choses. Et maintenant, vous prenez quelque chose qu'on vous donne. On vous donne quelque chose qui soit sucré, on met les choses à l'intérieur de vous, vous prenez, vous avalez. Dans, en vous, ça fond, ça devient le serpent. Coupe-vous, ça va. Vous allez vous laver dans un coup d'eau. Parce que la personne est entrée en contact avec une entité qui dit que chaque fois, envoie-les ici. Quand vous lavez, vous pensez que vous êtes seul là-bas, vous lavez, on envoie un petit démon sur toi. Tu rentres avec ça, tu sors. Mais tu sais, parce qu'ils entrent, ils ne savent pas qu'ils sont rencontrés. Ils n'entrent pas en faisant le plus beau. C'est le jour qui sort que tu comprends qu'il est entré. Tu dis, mais tu entends, mais mon pied, tu dis, qu'est-ce qui ne va pas vu mon pied? C'est ton pied qui était allé là-bas dans l'eau. Alors tu poses la question, comment il a fait pour entrer? Toutes ces choses-là, ce sont des portes. C'est des portes pour faire entrer les esprits dans les vies des gens. Nous avons besoin du Seigneur Jésus, pas vrai? Donc maintenant, je pose la question, si vous voulez mourir jusqu'à ce que vous êtes alité sur un lit, et quand on dit que voici un marabout qui travaille, qu'on voit même à la télévision comment il travaille, vous allez y aller. Et si vous priez, qu'un délai souffle entre vos mains, on dit que le marabout vous donne telle chose, vous priez, vous allez vous restaurer. N'est-ce pas, tu as dit qu'il me restaure avant de demander pardon à Dieu par la suite? Ou bien vous attendez, vous mourrez. Pourquoi personne ne dit? Comment papa t'a dit oui, on meurt. Comment toi, tu es toi, tu dis que oui, on. On meurt, un prénom indéfini. Que c'est on qui meurt, pas moi. on cherche les solutions chez les marabouts. Et Dieu dit dans cette Ésaïe chapitre 30 qu'on a vu là-bas, que malheur à ceux qui descendent en Égypte pour trouver la protection sous Pharaon. Malheur. Le verset suivant, dans ce livre d'Ésaïe, chapitre 30, dit que, ils disent aux prophètes, ne prophétise plus aux visionnaires, ne vision, n'ayez plus de vision, mais ne faites plus sur nous. Pourquoi? Dis-nous ce que nous voulons entendre. C'est ce qu'il dit dans Ésaïe, chapitre 30, le verset 5 et suivant. Ils disent aux prophètes que les prophètes ne disent plus, parce que les prophètes disent ce qu'ils ne veulent pas entendre. Que repentez-vous de vos péchés. Ah, l'autre là est trop dur. Vous ne pouvez pas aller chez le marabout. Vous voyez que Dieu est en train de travailler dans secteur après secteur, secteur après secteur, secteur après secteur. Dieu est en train d'aller partout. C'est solidaire, ça veut dire quoi? Quand tu as dit que tu es solidaire, ça veut dire quoi? Que nous sommes ensemble. Donc, quand tu es sur le vêtement, tu as dit que nous sommes ensemble. Lorsque je viens, tu dois parler du mal. Donc, il y a une tombe qui est creusée. Explique-lui, c'est vous qui avez fait comprendre. Dis-lui ce que vous avez dit sur le sud. Pourquoi qu'il explique ça avec la voix, pas vrai? Ces choses, c'est vrai, parce que pourquoi vous voyez, chance, vous voyez, regarde des choses, vous avez dit, vous pouvez aller prier, vous parce que vous voulez arriver quelque part. Aider et creuser. Mais. Vous êtes pas prêts, ça, c'est loneliness. À l'intérieur, c'est le choc. À l'extérieur, c'est un style de vie. J'ai dit ici au départ, je crois que c'est ici que j'ai dit ça. J'ai dit que quelqu'un fait une venue qui était donc ne passez pas par ici parce que je sais qu'il est dit. D'accord? Ok. Oui. Dieu lui a défini sa phrase. Donc il a amené ici. Dieu lui comment le langage se passe ici. La langue, c'est que tu es comme isolé. Tu es comme étant comme seul, sans personne avec qui tu t'entends, avec qui tu collabores. Le conscient, il se met en stérilité. Justement, il y a un problème à l'intérieur. Même si le facteur extérieur, tu ne manifestes pas ça, tu ne fais pas ouvertement. Baissons la tête, on va prier. Père, c'est toi qui as dit, sont-ils venus à trouver dans l'iniquité, tu les dénonces les œuvres, afin qu'ils aient part avec l'héritage. Seigneur, tu as dit au Dieu de gloire que le prix du sacrifice du rançon ne nous pousse pas à aller dans l'orgueil, mais que nous comprenons que la grâce que tu nous as assignée, Seigneur, c'est pour que nous vivions sans tâche et irréprochable jusqu'à ta venue. J'ai prié pour ce peuple, Père de gloire, et pour tous ceux qui sont à l'extérieur. J'ai prié pour tous ceux-là que tu veux délivrer. J'ai prié pour tous ceux-là, au Dieu de gloire, qui nous écoutent de part et d'autre. Alors que tu bénis avec ce message-ci, j'ai prié pour tous ceux-là qui ont été initiés lors de leur jeune âge. J'ai prié pour cette femme, au Dieu de gloire, qu'on a menée dans les oeillons, la laver. J'ai prié au Dieu de gloire que cette sirène qui vient chaque jour dans sa vie, Père de gloire, qu'il y ait une séparation maintenant entre elle. Et c'est sûr au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et j'ai pris Père de gloire pour ces garçons, au Dieu de gloire, qu'on a initié et qu'on voulait le mettre chef, mais que des chamboulements sont arrivés. Tu as créé cela afin qu'ils soient à l'extérieur. Je prie Père de gloire que tu le ramènes à toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie Père de gloire pour ceux d'ici. Je prie Père pour toutes ces personnes, au Dieu, qui ont contracté les esprits par suite de cette collaboration avec des marabouts. Je prie Père que tu leur donnes, accorde la délivrance. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui rentre sous ta protection, Père. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.